Bilan 8, page 179. Exercice 1. A. Sauce, chose. B. Jose, chose. C. Les œufs, les jeux. D. Sans, sans. E. Ils sont, ils ont.